Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast d'Analyse F1, une nouvelle émission aujourd'hui consacrée aux transferts hivernaux et même qui ont daté d'avant l'hiver hein, pour certains d'entre eux, pour un peu voir et analyser les forces en présence du côté des pilotes, l'impact également sur la force des écuries que ça peut avoir, d'avoir un meilleur line-up, un meilleur duo, un duo au contraire moins bon. On va voir tout ça aujourd'hui, mais aujourd'hui il n'y aura pas que ça dans le podcast, puisque dans un premier temps il y aura une partie actualité, donc où je vais essayer d'être le plus concis possible, mais il y a eu pas mal de news hein, depuis le dernier podcast, donc je vais essayer de pas trop rentrer dans un gros détail, mais quand même d'être précis quoi, que ce soit compréhensible, pour ensuite enchaîner donc avec le thème principal donc que je viens de vous dire, et enfin on finira le podcast par une petite chronique à propos de la dernière manche du trophée Andros 2016-2017 qui s'est déroulée à Superbès, donc à quelques dizaines de kilomètres de Clermont-Ferrand, ville où je vis. Donc avant de tout de suite rentrer dans le lard, on va dire, eh bien, je tiens à vous présenter mes excuses une nouvelle fois, puisque oui, on est déjà fin mars, et j'avais dit en janvier, j'avais dit un mois et demi, je crois, il y aura le podcast à peu près, et là, on a attendu un peu plus, vous avez attendu un peu plus, moi aussi, avant de le faire. Alors, il y a eu plusieurs raisons à cela. Premièrement, à partir de janvier, commencé à avoir certains problèmes d'ordre personnel, donc qui ont fait que ça me prenait beaucoup d'énergie sur mes journées. Donc, il n'était pas question que je fasse un podcast sans pouvoir y dédier toute mon énergie, toute ma passion. Et voilà. En tout cas, tout au long de cette pause, on va dire, que je n'ai pas voulu, on va dire, enfin, qui s'est présenté. Dans le podcast, je n'ai jamais arrêté de suivre la F1. Ça, vous pouvez en être sûr, j'ai suivi l'actualité quasiment pas tous les jours, mais presque quand même. Hein, je suis resté au fait hein, de tout ce qui s'est passé, des essais hivernaux, de tout ça, des F1 qui ont été dévoilés, bref, d'à peu près tout ce qui s'est passé. Donc ne vous en faites pas, hein, c'est pour ça que la partie actualité sera fournie d'ailleurs. Et ensuite, début mars, eh bien, je me suis accordé quelques jours de repos, quelques jours de congé, en faisant un séjour à Londres, un petit séjour à Londres. Donc ça a demandé de la préparation, plus la durée du séjour. Donc voilà, tout ça mis ensemble. Pour résumer, ça a fait que le podcast a mis du temps à revenir. Mais il est de retour aujourd'hui. Et j'en suis très content. Concernant les news, commençons par faire un lien direct avec le dernier podcast qui concernait Liberty Media, que je vous invite à écouter, si, évidemment, Brown GP 2009, puis c'est lui qui a monté Mercedes et qui en a fait partie de 2010 à 2013. Donc c'est un grand nom de la Formule 1, et encore j'ai dû oublier des étapes, mais là je ne cite que ces grands faits d'armes pour les pilotes, pour les spectateurs, pour que la F1 soit encore mieux, soit encore meilleure tout simplement, avec une approche assez pragmatique. Donc selon moi, c'est un très bon choix de Liberty Media, très bon choix pour ces raisons-là, et ça démontre un point que j'avais évoqué lors du dernier podcast, c'est que Liberty Media fait des bons choix d'hommes, et c'est confirmé définitivement avec le troisième homme du triumvirat qui est donc Sean Bratches, pardon pour écorcher son nom, Sean Bratches, qui est vice-président exécutif du département commercial d'ESPN, donc la chaîne sportive très célèbre mondialement et encore plus donc aux États-Unis. Et donc directeur d'ESPN, il a une grosse expérience de plus de 20 ans dans le domaine hein, domaine marketing, dans le domaine pour tout simplement pour faire évoluer une chaîne sportive, pour pour acquérir des droits commerciaux, des droits de retransmission, pardon, etc. Donc, il connaît bien son sujet. Et donc, il rejoint la F1 en tant que directeur général et il va également s'occuper des opérations commerciales concernant le sport. Donc, de ce côté-là, on peut ne pas être inquiet, il connaît son sujet, hein. Il a une assez énorme expérience. Et mon avis, ce trio est complémentaire, hein. Chase Carey, j'ai déjà tout dit dans le dernier podcast sur cet homme. Ross Brawn, ben voilà, Ross Brawn, lui, c'est vraiment le côté sportif pur où il va pouvoir amener son expertise. Et ensuite, donc Sean Bratches, qui lui va pouvoir s'occuper donc ben, du côté commercial également avec Chase Carey. Donc à mon avis, les trois sont complémentaires et ça va être intéressant de voir ce qui va arriver par la suite. Alors, dans les faits, ce qu'ils ont fait ces derniers temps, ils ont mis de côté Ecclestone, qui avait été relégué à un rôle de, comment dire, un peu un rôle symbolique, et du coup, il a été mis de côté directement. Selon les hommes de Liberty Media, c'est parce qu'Ecclestone a une vision des choses trop incompatible avec la leur. Ce qui est vrai quand on regarde un peu ce qu'Ecclestone veut pour l'idée d'Ecclestone, la façon de procéder d'Ecclestone 6. Dans la façon de procéder, Ecclestone est à mille lieues de ce que veulent faire Liberty Media. Tout simplement. Donc voilà, Liberty Media, maintenant, ils savent où ils vont. Ils ont pu observer pendant plusieurs mois comment on fait Ecclestone. Et ils ont pu se faire leur avis. Et voilà, la sentence est tombée, Ecclestone est mis de côté. Ce qui est déjà nouveau, hein, depuis l'arrivée de Liberty Media, on peut déjà noter plusieurs choses. Tout d'abord, sur les réseaux sociaux, il y a déjà, ils ont pu mettre en application directement quelque chose sur les réseaux sociaux, à savoir qu'il y a beaucoup plus de vidéos postées sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, beaucoup plus de publications, d'interactions, du coup avec les fans, plus de Facebook Live également, donc qui sont des directs gratuits que vous pouvez suivre sur Internet et qui ont trouvé leur place lors des essais hivernaux. On avait, on va dire, l'envers du décor, c'est-à-dire ce qui se passait dans le paddock pendant ce moment-là, avec des interviews sur le vif des pilotes, également des ingénieurs et tout. Un peu comme ce qui se fait en Formule E depuis 2 ans. C'est bien d'y voir en Formule 1. Beaucoup le demandaient et c'est ce qui a été fait. Et également, du coup, pendant la première course à Melbourne, également aussi pas mal, enfin, quelques directs également ont été proposés pour voir un peu ce qui se passe derrière, hein, dans le paddock. Donc c'est très très intéressant quand on est vraiment passionné de Formule 1 de voir un peu ce qui se passe derrière. C'est un beau complément, un beau bonus. Également un nouveau format de la conférence de presse, avec cette fois-ci 2 groupes séparés de 4 pilotes. Donc ce qui est bien parce que dans ce nouveau format, c'est que du coup, il n'y a pas un pilote où il va y avoir quasiment aucune question sur ce pilote. Les 4 pilotes vont avoir droit à des questions. Bon, il y en a plus que d'autres toujours, mais les 4 pilotes vont avoir droit à des questions et ça favorise les interactions. Il n'y a pas une première ligne, une deuxième ligne derrière. Ça favorise bien les interactions entre les pilotes. On l'a vu, hein, lors de cette première conférence de presse où ça, il y avait pas mal de. C'était bon enfant, surtout avec le premier groupe, avec Alonso, Hamilton. C'était qui les autres? Vettel et Bottas, je crois, si ma mémoire est bonne. C'était pas mal, c'était intéressant. Et voilà, il y a un premier groupe, ça dure une demi-heure, et ensuite il y a le deuxième groupe de 4 pilotes qui vient, et ça dure une demi-heure. Comme ça, c'est plus complet sur 8 pilotes, et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Après, ça reste un détail, mais bon, c'est sur des petits détails comme ça également qui peuvent offrir aussi plus de sympathie pour les médias, pour le public, c'est sympa. Et donc, il compte agir de la sorte à court terme. Dans les semaines à venir et améliorer tout ça, donc ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Et ils vont agir également à court terme sur les week-ends de course en eux-mêmes pour offrir vraiment un show complet aux spectateurs. Ça s'est matérialisé ce week-end. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un truc étrange qui m'a interpellé en tout cas à chaque fois que je l'ai vu. C'est des panneaux F1 Experiences, F1 Experience, hein, en français, et ça ramenait à un site F1 Experience au pluriel.com. Donc F1experiences.com j'allais continuer en anglais, n'importe quoi. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, en voyant le site, ben ça a confirmé ce que je pensais, c'est-à-dire que vraiment, Liberty Media veut offrir un show à la hauteur pour les spectateurs lors des week-ends de course. Au-delà de la course, il y a la course, mais il y a les à côté également. Quand on arrive sur le lieu du circuit, quand on peut traverser le paddock, quand on se rend dans les gradins, il faut qu'à chaque fois, il y ait quelque chose pour les gens, un divertissement, des stands pour acheter des goodies, tout. Il faut qu'il y ait la totale, parce que les gens payent assez cher leur place, donc il faut qu'ils en aient pour leur argent, et je trouve que c'est très bien, parce qu'en plus, ça pousse également les gens à encore plus consommer, vu qu'ils sont encore plus contents, et du coup, ben, c'est gagnant-gagnant, je pense, pour tout le monde. Donc, outre ce qu'on a vu de nouveau en F1 via Liberty Media, il y a ce qu'on voit de nouveau en F1 cette saison, puisque 2017 marque un gros changement au niveau du règlement technique, notamment, et donc on a vu ces nouvelles F1 2017. Enfin, on les a vus en piste, donc à Barcelone en essai hivernaux. Là, on les a vraiment vus à Melbourne, et on peut se rendre compte que le nouveau règlement les rend en effet bien plus agressifs dans leur look, avec cet aileron arrière bien plus bras, bien plus bas, bien plus profilé, et également devant, enfin avec les gros pneus, les plus gros pneus, l'aileron avant qui est en forme de V, qui est plus large, etc. Il y a plein d'autres éléments qui les rendent également plus agressifs, je trouve, et c'est vraiment très intéressant. Pour moi, esthétiquement, je les trouve plus belles qu'avant. Mais ça, ce n'est pas l'important, ça c'est subjectif, il y en a qui pourront les trouver belles, pas belles, c'est pas l'important. Ce qui compte au niveau esthétique, c'est plutôt que chaque écurie a interprété le règlement relativement différent. On voit des solutions, quand on examine chaque voiture, au premier coup d'œil, on voit des solutions différentes apportées sur chacune des monoplaces, et de voir cette différence, ça montre bien qu'il y a une liberté pour les ingénieurs pour faire les monoplaces, et voilà, ça apporte des différences, comme ça chaque monoplace a sa propre identité, plus qu'avant, bien plus qu'avant, et c'est intéressant à voir visuellement, c'est intéressant également du côté du sport également, de voir plusieurs solutions différentes, mais qui finalement en piste se retrouvent à quelques dixièmes de différence. C'est vraiment cool. Et en plus de ça, eh bien ça produit des temps vraiment impressionnants. On l'a vu en essai hivernaux à Barcelone avec déjà la pole de 2016 qui a été explosée de 3 secondes et demie. En essai hivernaux, hein. Franchement, faire ça en essai hivernaux, attention, à Barcelone, ça risque d'être encore mieux, parce qu'il y aura déjà des développements apportés, hein, à Barcelone, qui historiquement, depuis une dizaine d'années, est le lieu où les premiers gros développements sont amenés par les écuries. Donc on risque de voir encore mieux que plus de 3 secondes. Donc voilà, on n'était même pas au début. Là, à Melbourne, on a vu également des grosses améliorations avec un record absolu, avec la pole position d'Hamilton, record absolu de la piste. Est-ce qu'on va arriver cette saison enfin à faire péter tous ces temps de 2004? Ah bon, Melbourne, c'était un temps de 2011. Mais est-ce que sinon on va réussir à faire péter tous les temps de 2004? Parce que beaucoup de meilleurs tours ont été réalisés avec les monstres de 2004. Ça serait beau, parce que là, on est avec un V6 hybride turbo. Donc battre des temps qui ont été effectués par des V10, qui en plus les monoplaces étaient plus légères à l'époque, il faut le savoir. Hein. Les monoplaces étaient plus légères parce que la technologie hybride, toute l'électronique, la batterie, etc., tout ça, ça pèse lourd, les systèmes de récupération d'énergie à ajouter, le moteur thermique, enfin tous les éléments d'unité de puissance, ça revient plus lourd en termes de poids qu'avant, que le moteur atmosphérique V10. Et donc tout l'ensemble est plus lourd. Maintenant, donc faire des meilleurs temps avec une motorisation moins importante qu'avant et une monoplace plus lourde, ça montre le progrès qui a été effectué en Formule 1 sur tous les plans, plan aérodynamique, plan de la technologie, et voilà, c'est ça qu'on veut voir en F1, c'est vraiment un progrès de cette sorte, et c'est intéressant de le voir. Alors, quelle sera la hiérarchie? C'est l'autre question. On a eu une petite idée à Melbourne, je vais pas trop parler de Melbourne aujourd'hui, hein. Je parlerai plus dans quelques courses. Dans quelques courses, je ferai un récap d'un peu tout pour un peu pouvoir analyser. Là, après une course, c'est dur d'analyser vraiment quelle pourra être la hiérarchie, même si trois écuries se détachent clairement. Mais voilà, faudra bien suivre toute la saison selon moi, parce que c'est ouvert, hein, dû au règlement. Il va y avoir des développements que vont amener les écuries tout au long de la saison. On va voir si, par exemple, certaines écuries, si certains développements vont être plus efficaces que d'autres, si on va avoir des chamboulements derrière la hiérarchie, etc. À voir, hein, à voir, à voir, à voir. En tout cas, ce nouveau règlement amène pas mal de suspense à ce niveau-là. Également, les pilotes ont dû faire un travail plus important, un travail physique plus important en vue de cette saison. Et on le voit sur Internet, d'ailleurs, il y a eu des vidéos de postées. Red Bull a mis une petite vidéo sur la préparation de Ricciardo, qui est assez impressionnante. Je vous conseille pour ma part une vidéo en français. La vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Thibaut InShape. Alors Thibaut, T-I-B-O, et plus loin InShape, I-N-S-H-A-P-E, tout attaché. C'est une vidéo, vous tapez Esteban Ocon entraînement, généralement c'est la première vidéo sur YouTube, et c'est très intéressant. Très intéressant, on voit comment Ocon a vraiment maximisé son entraînement dans un lieu très calme, dans les Pyrénées, au fin fond des Pyrénées. Et vraiment un entraînement assez énorme de la part du pilote français, et de tous les pilotes très certainement, mais c'est vrai que lui là, il a fait un gros travail très complet, musculaire, au niveau des réflexes, enfin de tout. Très complet, et ça l'amène en forme dès Melbourne. Et d'ailleurs, physiquement, ça se voit sur les pilotes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus de muscles, surtout le cou est plus énorme, parce que pour résister aux forces G plus importantes cette saison, et bien plus importantes, certains virages, ça va être 2G, 2G et demi de plus que l'année dernière. Hein. Vraiment, donc oui. Et sur les virages les freinages qui sont plus brutaux, forcément, ça amène plus de G. Donc, faut que le coup puisse tenir tout un Grand Prix. Donc, on voit le coup assez volumineux. Ça se voit bien sur Ocon, ça se voit bien sur Ricciardo, notamment. Je vous invite vraiment à observer ces petits détails par rapport à l'année dernière, où ils étaient pas maigrelés, mais presque, parce qu'avec les contraintes au niveau du poids des pilotes, qui sont plus ou moins toujours là, mais ça dépend les écuries, ça dépend l'efficacité des écuries au niveau du poids de la monoplace. Mais voilà, généralement, ils peuvent se permettre d'être plus musclés, de prendre plus en muscle et tout. Donc voilà, c'est une F1 physique cette saison. Autre nouveauté, c'est le règlement moteur plus libre. Donc on enlève ce système de jetons. Il y a un libre développement des moteurs. Et ça, c'est intéressant. Moi, que ce soit l'un ou l'autre des systèmes, je suis pas contre, hein, vraiment. D'ailleurs, Renault avait dit en interview que le système de jetons ne leur a jamais empêché de faire leur moteur, leur unité de puissance, et de faire évoluer l'unité comme ils le voulaient. Donc voilà, maintenant, le système de jetons n'est plus là, donc il n'y a plus d'excuses, hein, pour le moteur Renault, pour le moteur Honda surtout. Il n'y a plus d'excuses pour progresser. Après, maintenant, il y a un problème, c'est que il n'y a que 4 moteurs autorisés cette saison, donc théoriquement 4 grosses évolutions. Enfin 3. Enfin 4, enfin bref. Que quelques grosses évolutions d'autorisées, avec cette limite. C'est un peu ce que je trouve bête, c'est de faire 4 moteurs, l'année dernière c'était 5. C'est trop restrictif, et le problème c'est que ça pousse certaines écuries du coup à adopter des modes de moteurs économiques, alors on veut voir justement les monoplaces pousser les limites. Mais sûrement que des fois en course, certaines écuries vont devoir rouler avec des modes moteurs un peu plus conservateurs que d'autres écuries. C'est ce qui est dommage. Alors ça va dans la logique de maîtrise des dépenses de la F1, mais ça ne marche pas, parce qu'il y a ça ça enfin, ça marche oui et non. Ça marche oui et non, parce que de toute façon, il va falloir faire évoluer le moteur, donc les écuries vont devoir dépenser. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas cette limite, il y a certaines écuries qui embarqueraient je sais pas combien de moteurs par course. Et du coup, il y aurait certaines écuries clientes. Par exemple, la différence entre Mercedes et Force India, Mercedes, ils auraient je sais pas combien de moteurs d'autorisés, donc toujours à fond, et Force India, ça serait le contraire. Donc ça créerait une disparité. Je comprends cette logique quelque part, mais de faire une telle restriction, c'est trop sévère, je trouve. C'est trop sévère. trop sévère, d'autant plus qu'on est dans, de notre côté, comme je l'ai dit, on est dans cette logique d'aller toujours plus loin et de repousser les limites, repousser les records avec cette nouvelle F1 2017. Et ça, ce règlement ne va pas tellement dans cette limite-là, cette réglementation. Ah, sinon, quelque chose m'a fait plaisir. Alors que là, ça fait déjà beaucoup de news, et oui. Désolé, j'ai essayé de faire concis. J'ai échoué à cette tâche, j'ai l'impression. Faire une vingtaine de minutes de news, une vingtaine de minutes, ouais, c'est pas très équilibré tout ça. Bref, le règlement sportif a été enfin simplifié. Et oui. Et là, je suis content. Voilà, c'est pas pour me la péter ou quoi. Mais j'avais raison, quoi. J'avais raison, j'ai l'impression d'avoir été écouté sur certains points, parce que maintenant, au niveau des pénalités, on en verra beaucoup moins cette saison. Parce que le règlement énonce, ils ont ajouté une petite ligne de règlement qui en supprime quelques autres, on va dire, de fait, puisque maintenant, seuls les comportements manifestement dangereux, où il y a vraiment un pilote qui est manifestement fautif, eh bien, seuls ces comportements seront investigués. C'est même pas pénalisé, c'est même investigué. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et ça a été mis en place pourquoi? J'ai lu un article, il disait, c'est pour que les décisions soient prises selon le bon sens. Attendez, mais c'est pas ce que j'ai dit l'année dernière dans un podcast. Ah si, il me semble, je vous prends comme témoin, mesdames et messieurs, mais vous pouvez retrouver ce podcast très facilement. Je pense que même que je l'ai dit dans plusieurs podcasts. Donc, y compris sur les réseaux sociaux également. Voilà. Voilà, et je suis content de voir ça. Je suis vraiment content. En plus, ils ont dit aussi que c'était pour quelque chose qui j'avais pas forcément critiqué, mais enfin si, quand même, mais que d'autres avaient plus critiqué que moi là-dessus. C'était concernant les comment dire, la régularité dans les pénalités. C'est-à-dire que c'était jamais constant, quoi. Ça manquait de constance dans la distribution des pénalités. Un jour, un comportement va causer une pénalité. L'autre jour, un comportement, on va dire, similaire, qu'on pourrait vraiment comparer à celui-là, sera pas pénalisé. Du coup, les pilotes étaient pas très contents à ce niveau-là. Le public ne comprenait pas. D'ailleurs, les pénalités, c'était débile d'en faire autant. Et du coup, un nouveau système a été mis en place pour les commissaires, pour faciliter leur vision des choses. C'est-à-dire que ils auront, on va dire, les cassettes. Ils auront les enregistrements des différents incidents, des précédents Grand Prix, des précédentes saisons, et donc ils pourront sélectionner, par exemple, incident, voilà, attaque dangereuse, chicane ou machin, ou défense dangereuse. Ben, ils auront une liste de replay, de vidéos qui s'afficheront. Ils pourront voir directement quelle pénalité ou quelle investigation a été faite à cette course-là pour tel fait qui ressemble à ce qui se passe en piste. Et comme ça, ils vont pouvoir prendre une décision. Voilà, qui colle le plus, quoi. Donc, vraiment un système limite de jurisprudence qui va se mettre en place pour être le plus constant possible. Donc, je suis très content. Je suis très content de ça. Avec un peu de chance, du coup, on va avoir moins de pénalités à outrance. Ce week-end, ça s'est matérialisé par l'accident Magnussen-Ericsson où, ouais, Magnussen est fautif. Il est trop vite, il arrive trop vite. Il contrôle pas sa monoplace qui part en sous-virage et qui va taper Ericsson. Mais voilà. Pas de pénalité, pas d'investigation. Sauber et surprise, parce que bon, ils étaient habitués l'année dernière à chaque fois une investigation et une pénalité. Cette fois, non. Mais je suis d'accord. Certes, Magnussen est fautif, mais il se punit lui-même. Il est allé dans le bac à gravier. Pas besoin de le punir en plus. Voilà, la course se fait. Tout simplement. Ben, je suis d'accord, je suis d'accord. C'était pas non plus manifestement dangereux, vu qu'il perd le contrôle de sa monoplace. C'est très bien comme ça. On revient à ce qui était le cas avant, je trouve, à ce niveau-là. Et pour le coup, c'est très bien. C'est très bien pour le spectacle, pour les spectateurs, pour que la F1 n'ait pas un élément négatif de plus à faire valoir. Mais du coup, les médias, ils n'ont pas parlé de l'information comme ça. Ils ont parlé de l'information à chaque fois, hein, à peu près tous les médias spécialistes, en disant que ça a été suppression de la règle anti-Verstappen. Alors oui, de fait, elle a été supprimée du coup. Mais c'est pas ça l'important. Parce que Verstappen, ça veut pas dire en fait que ce que Verstappen a fait est juste. Ça veut dire tout simplement que la règle, du fait de cette règle générale, il n'y a pas besoin de petites règles particulières comme ça, qui vont, on va dire, engraisser le règlement inutilement. Et voilà. Et du coup, si Verstappen, il refait les mêmes manœuvres que l'année dernière en ayant des défenses, on va dire, dangereuses, et si elles sont manifestement dangereuses, elles seront investiguées, pareil. C'est juste qu'il n'y a pas besoin de cette règle. Il y a une règle générale qui couvre à peu près tout, et qui couvre tout d'ailleurs, et qui permet d'agir maintenant avec sens et non plus dans un motif de pénaliser les pilotes pour tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je suis vraiment très très content de cette direction prise. C'est la bonne direction. Je pense qu'on s'en rendra compte. On va voir avec les différents incidents qui viendront émailler le sport, différents peut-être petits accidents. Mais selon moi, ouais, c'est la bonne marche à suivre. Il n'y a pas de marche à suivre parfaite, mais c'est la meilleure ou la moins pire. Mais voilà, c'est bien. Alors ensuite, dans les transferts, il n'y a pas que les pilotes, hein. Il n'y a pas que les pilotes, on va parler déjà de ce qui s'est passé du côté des ingénieurs, de l'organigramme général. Donc Paddy Lowe, il est passé de Mercedes à Williams en tant que directeur technique. Donc voilà, je rappelle Paddy Lowe, un grand artisan hein, du succès quand même de Mercedes. Mercedes qui n'a pas à s'inquiéter vu qu'ils ont recruté James Allison. Donc à mon avis, ça va aller pour Mercedes pour rester en haut. Je rappelle que Paddy Lowe, quand même, il a quitté McLaren en 2012. Et que suite à ça, hein, je sais pas si c'est un petit rapport, mais quand même, suite à 2012, c'est là qu'a commencé la période noire de McLaren. Hein. Ça commence en 2013. Ça commence pas avec McLaren Honda, hein, la période noire. Hein. Je tiens à le rappeler. McLaren essaye de, évidemment, d'enfoncer Honda au maximum pour que tout le monde regarde Honda. Et c'est clair qu'Honda ne fait pas non plus un très bon boulot. Mais McLaren, attention, depuis 2013, rien du tout. 2013, ils font n'importe quoi. Donc, y a aussi l'écurie anglaise qui doit se remettre en question, ce qu'elle ne fera pas vu que l'humidité est absente de cette écurie depuis des années maintenant. Bref, également Frédéric Vasseur, donc, a été, on va dire, un peu débarqué de Renault ou est parti en tout cas de Renault. Il avait aidé fortement à ce que Hülkenberg vienne chez Renault, donc un pilote quand même, un très bon pilote, Hülkenberg. Donc Hülkenberg qui était déçu d'ailleurs que Vasseur parte, mais bon, c'était comme ça. Maintenant, le contrat était signé, donc voilà. Ça a été suite à des dissensions avec la direction de Renault, avec Cyril Hadbitbull notamment. Donc Vasseur a décidé de quitter Renault parce que, il y avait des oppositions de point de vue concernant la marche à suivre de l'écurie française. Et Vasseur, voilà, il est parti. Quand on est dans un constructeur, c'est vrai qu'il faut suivre la marche à suivre par le board, on va dire, par les têtes qui sont en haut. Certes, Vasseur, il est au plus près de la course et tout, donc il a son point de vue, on va dire, son expertise sportive, mais voilà, ça a clashé, et du coup, Vasseur a décidé de s'en aller. À mon avis, Vasseur, il peut pas être dans une grande écurie, du coup. C'était l'interrogation que j'avais à l'orée de la saison 2016, et du coup, ça répond un peu à la question. S'il est comme ça, je pense que il pourra pas percer chez un constructeur. Dans une petite écurie qui peut se mettre autour de lui, ouais. Dans ce cas, ouais, il faut qu'une écurie soit autour de lui. Ça peut pas être le cas, je pense, d'un grand constructeur, mais d'une autre écurie, ouais, ça peut être le cas. Et à mon avis, ça serait intelligent de la part de petites écuries de le prendre, hein. Il est quand même expérimenté. Je pense qu'il a des qualités à faire valoir dans ce côté-là. Il transpire la compétition quand même, donc à voir. Je pense qu'on pourra le revoir en F1 à l'avenir. Et malheureusement, ça a été la fin de Manor. Manor qui n'a pu résister aux soucis financiers. Et ce qui ça marque la fin de Manor marque la fin, la mort de la troisième et dernière écurie. Né en 2010, né en ou 2011, je sais plus, enfin avec HRT et Caterham, enfin qui était Lotus à l'époque, Team Lotus, et Manor qui était Team Virgin à l'époque. Donc voilà, c'est la fin pour ces trois écuries qui étaient nées des promesses de plafond budgétaire énoncées par Max Mosley en 2010. Max Mosley qui avait promis donc à ses écuries ça, qu'il y aurait des plafonds budgétaires. Ils n'ont pas eu lieu, hein, comme chacun sait. Et du coup, ça a mis ces trois écuries dans la mouise. Et du coup, elles n'ont pu résister bien longtemps. Manor a quand même résisté assez longtemps, mais bon, ça n'a pas été suffisant. Ils avaient pourtant déjà planché hein, sur la monoplace de 2017, Manor, mais bon, Ils ont dû s'arrêter en cours de route, c'est triste et on souhaite aux employés de cette petite écurie de retrouver également un emploi rapidement, une expérience dans la F1. C'est à faire valoir sur le CV, je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire, mais bon, quand même, on souhaite le meilleur à tous les employés de Manor qui ont dû perdre leur boulot quand même suite à cette fin. Et voilà, c'est tout pour la news déjà, ça fait un peu beaucoup, hein. Ça fait un peu beaucoup. Et on va parler maintenant des transferts. Voilà, parlons des transferts et de leur impact sur la hiérarchie, on va dire, générale, enfin la hiérarchie générale plutôt, sur l'impact sur les forces en présence au sein des écuries. Pour voir ce qui se passe, si ça renforce les écuries, si ça les affaiblit, si ça reste pareil. Donc tout d'abord, on va commencer par l'écurie championne du monde, hein, Mercedes. Donc Bottas, bon, j'en avais déjà parlé, je vais pas y revenir trop longtemps. C'est un bon choix. Il fait partie des très bons pilotes qui méritaient d'avoir un moment, une chance avec un top team. Il a cette chance. Maintenant, il y a des interrogations. Comment va-t-il s'acclimater à un top team? Là, il est définitivement dans la fosse au lion. C'est là où il voulait être, mais attention. La fosse au lion, le lion, c'est Hamilton. Et je fais une référence à un des tatouages d'Hamilton, hein, si je me trompe pas, où il s'est fait tatouer un lion sur le torse, il me semble. Voilà, il est jeté dans cette fosse et il doit en ressortir vivant, hein, le pilote finlandais. Et c'est d'autant plus une fosse au lion que son contrat ne dure qu'un an. Et oui, il a qu'un an de contrat. Et Mercedes envisage aussi des solutions annexes avec d'autres pilotes de pointe après, si jamais Bottas n'est pas assez fort, on va dire. Donc voilà, et en plus il a comme coéquipier donc Hamilton, un des meilleurs du plateau, si ce n'est le meilleur, qui entame sa 5e saison avec Mercedes, donc il connaît vraiment l'écurie très très bien, qui a une très bonne entente avec eux, donc faut s'immiscer là-dedans. Et à mon avis, c'est compliqué, c'est très compliqué. Il doit être dans le rythme déjà pour rester chez Mercedes. Et ensuite, s'il veut caresser vraiment de très près son rêve d'être champion du monde, il doit battre Hamilton au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, c'est avant la demi-saison, avant la mi-saison, faut qu'il puisse être côte à côte avec Hamilton et parfois plus rapide. Ou au moins. Et même voir avant, quoi. Faut pas qu'il soit deuxième trop souvent, enfin qu'il soit derrière Hamilton trop souvent au début. Sinon, ben Mercedes, ils vont se dire, ben voilà, Bottas, tu es notre pilote numéro 2, tu vas faire tout pour que Hamilton ait plus de points, quoi. Donc même si Bottas, ça lui fait pas peur d'avoir de tenir ce rôle, mais il n'en veut pas. Donc vraiment, arriver, si jamais il est réduit à ce rôle, ce sera une grosse déception et ça sera très dur après d'être considéré comme un pilote de pointe pouvant lutter pour la gagne au championnat et donc de pouvoir lutter au championnat plus tard, que ce soit chez Mercedes ou dans une autre écurie. Donc il doit prendre la mesure très rapidement, c'est très compliqué, mais il doit le faire. Il doit le faire, on va voir. On va voir. Ferrari, ben c'est la même paire, hein. Raikkonen-Vettel, une très bonne paire, une des meilleures du plateau, rien à signaler. Red Bull, pareil, hein, la même paire de pilotes, Ricciardo-Verstappen, c'est également une très bonne paire, une des meilleures du plateau. Il y a un gros défi pour Verstappen avec cette saison, c'est de dominer Ricciardo. Cette fois-ci, pas d'excuses, il a l'expérience, il a plusieurs années de F1 derrière lui, il a quasiment une saison complète chez Red Bull derrière lui, où il a pu s'acclimater à un top team. Donc maintenant, voilà, il doit lutter avec Ricciardo et voilà, et en espérant le voir un peu moins fifou dans ses manœuvres, mais je ne le pense pas. Je pense pas qu'il changera. Donc voilà, on doit le prendre comme il est, on va dire Verstappen, mais bon, faut voir. En tout cas, il doit se montrer plus rapide que Ricciardo maintenant. Sinon, attention, à Red Bull, ils sont impitoyables, hein. Ils ont eu beau nous vendre Verstappen comme le Messi pendant des années. Si Verstappen se fait dominer par Ricciardo, ils n'auront aucun mal à dire à Verstappen, bon, ben, si t'es si talentueux que ça, une autre écurie va te prendre. Mais pour nous, on va donner notre chance à un plus jeune. Donc peut-être Sainz, peut-être retour de Kiat, je sais pas, mais voilà, attention, hein, attention Verstappen, faut pas qu'il se croit protégé chez Red Bull. Il ne l'est pas, personne ne l'est chez Red Bull, j'ai l'impression, même s'il y a des contrats. Donc voilà, faut qu'il fasse le boulot. Force India, parlons de Force India maintenant, qui a terminé quatrième la saison dernière. Grosse surprise, hein, cette écurie, et qui donc a recruté Esteban Ocon pour pallier le départ d'Hülkenberg chez Renault. Esteban Ocon, le pilote français. Donc c'est une promotion très intéressante pour lui, hein, pour le protéger de Mercedes quand même. Il monte d'un cran dans la hiérarchie. Maintenant, il fait partie du cœur du peloton et il a un coéquipier de haut calibre qui est Sergio Pérez. Et c'est une chance de pouvoir se mesurer à un pilote comme ça, parce que s'il arrive à le battre, ou à faire jeu égal et à le battre, sans parler de forcément le battre au championnat à la fin de saison, mais si il est au niveau, eh bien ça renforcera d'autant plus ses performances aux yeux du paddock. Donc il le sait Ocon, il sait l'enjeu qu'il y a autour de cette saison, et je pense que pour Force India c'est positif, c'est très positif, parce que Ocon est talentueux, je le crois, et Pérez l'est également, et donc ils vont se pousser l'un l'autre, je pense, et c'est intéressant, ça offre également une autre vision plus jeune à Force India, et c'est pas mal. Du côté de Sauber, en revanche, l'autre protégé de Mercedes, qui est Pascal Wehrlein, a moins de chance. Déjà parce que Sauber semble plus faible que Force India. Cette saison jouit d'un moteur seulement de Ferrari 2016. Donc ça va être compliqué de percer. Et d'autant plus qu'il n'a pas un coéquipier de la hauteur du calibre de Pérez avec lui. C'est le Suédois Ericsson. Et donc là, c'est impératif même de dominer Ericsson. S'il ne le domine pas de la tête et des épaules, Wehrlein, on va un peu l'oublier. Le paddock va un peu l'oublier, donc il doit percer, et à la moindre opportunité durant une course un peu folle, il doit marquer les points qui s'offrent à lui, tout simplement. Mais Wehrlein, qui n'a pas fait la première course de la saison, parce que lors de la course des champions en janvier, je crois, ou février, il a fait un peu l'imbécile, il a eu un accident, il s'est fait mal aux vertèbres, et il ne se sentait pas de pouvoir faire un Grand Prix entier à Melbourne avec ses monoplaces plus physiques. Du coup, c'est le jeune italien, le jeune très bon pilote italien Antonio Giovinazzi, qui a été le dauphin de Pierre Gasly en GP2, désormais appelé F2 d'ailleurs cette catégorie, qui a pris son baquet. Et seulement avec une cinquantaine de kilomètres de roulage, Giovinazzi a fini la course et a terminé 12e, je crois. Donc voilà, attention, Wehrlein, obligation de revenir très vite déjà, de pas faire, d'éviter toute prise de risque entre les Grands Prix, et de dominer Ericsson, tout simplement. Mais voilà, c'est mérité qu'il reste en F1 ce pilote allemand, parce que c'est quand même le seul pilote à avoir inscrit un point pour Manor en 2016. Donc voilà, sa performance a failli faire en sorte que Manor soit 9e au championnat et non 10e. Malheureusement pour Manor, il y a eu ce Grand Prix du Brésil fatidique. Chez McLaren, on a fait appel logiquement à Stoffel Vandoorne, qui était 3e pilote l'année dernière chez McLaren. Jeune pilote filière McLaren à qui l'on a promis le baquet une fois qu'il serait disponible. Donc voilà, on l'attendait, il est là, le pilote belge. Et pour moi, c'est un pilote à suivre vraiment de très très près. Pourquoi ? Parce que il me donne confiance de par son attitude, ses déclarations, sa maturité, son approche qu'il a en vue de sa première saison de F1. C'est une approche vraiment différente de ce que j'ai pu voir récemment des autres rookies. Vraiment, il dit qu'il compte se servir de l'expérience de toutes les années précédentes, où il a su amener une équipe derrière lui, où il a su fédérer les équipes. Et voilà, il compte le faire également, pas se laisser marcher dessus par Alonso. Attention, cela dit, à pas se laisser surprendre par le pilote espagnol, qui est très rapide et très politique également. Mais voilà, le discours de Vandoorne, c'est pas le discours d'un rookie, hein. C'est le discours d'un pilote qui est déjà accompli, qui a faim de compétition, faim de progresser, de faire progresser son équipe. Et voilà, et on le voit dans ses yeux, c'est quelqu'un qui sait où il va. On a l'impression déjà qu'on sait que dans quelques années, il va se retrouver en lutte pour des victoires et tout. Il a le talent pour, il a la maturité pour. Maintenant, faut pas se laisser surprendre, comme je l'ai dit, parce que c'est la F1, c'est un autre monde dans lequel il entre. un autre monde de ce qu'il a connu précédemment. Et il faut pas qu'il se laisse distraire, pas qu'il se laisse embarquer dans certains pièges. Mais voilà, sur ce qu'on voit pour l'instant, il me donne confiance. C'est le seul rookie qui me donne autant confiance. Et pour cause, c'est peut-être son âge également qui fait ça. Il a 25 ans. On a l'habitude récemment de voir des rookies qui viennent dans le sport qui ont entre 18 et 20 ans. Donc là, ça change, hein. Il a 25 ans. Son palmarès avant la F1 parle pour lui. Il a tout gagné. Tout gagné, sauf bon la super Formula au Japon qui était vraiment... il avait vraiment fait cette saison-là en attendant de pouvoir avoir le baquet. Mais nul doute que s'il avait fait une deuxième saison, il aurait été encore plus en lutte pour le titre en Super Formula, mais il a eu des victoires quand même en Super Formula. Des podiums, donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et vous savez que je me trompe rarement dans ces cas-là, en plus, quand je parle de certains pilotes comme ça, je me trompe rarement, donc suivez-le. Je vous conseille de le suivre tout au long de cette saison et pour la suite, parce que il va être vraiment, mon avis... Mon avis, il peut aller loin, mais voilà. La seule chose qui peut ne pas le faire aller loin, c'est Alonso, tout simplement. À mon avis, donc, c'est le seul piège dans lequel ne pas tomber. Mais on lui a posé la question déjà, et sa réponse me satisfait. C'est-à-dire que, voilà, il va travailler avec Alonso. Il va se servir aussi de ce qu'il a pu voir l'année dernière en observant les données de Button, d'Alonso, en voyant les façons de travailler de l'un et l'autre. Évidemment, il a sa façon de travailler, mais il peut amener les trucs positifs qu'il a vus chez l'un et l'autre également. Donc, voilà, il est prêt. Il est prêt. Maintenant, faut voir son rythme. Et c'est tout. Chez Renault, eh bien, on a une paire Hülkenberg-Palmer. Une paire Hülkenberg-Palmer. Alors que l'année dernière, c'était Palmer et... le deuxième pilote. Ah, je me souviens plus. Oh là, je me souviens plus. L'année dernière, c'était Palmer et Magnussen, pardon. Magnussen qui est parti chez Haas, pardon. Donc là, Hülkenberg-Palmer, c'est intéressant pour les deux pilotes, selon moi. Palmer, parce qu'il est en pleine progression. Il a été en pleine progression en 2016. Et là, il est opposé à un pilote d'un grand calibre. Donc là, il faut qu'il soit à la hauteur. Tout simplement, il doit confirmer pour montrer que sa progression qu'on a vue en 2016, c'était pas juste, finalement, que quelques dixièmes ou quoi. Ça doit vraiment se confirmer partout. Bon, à Melbourne, pour l'instant, ça s'est pas confirmé, mais bon, c'était la première course, faut voir après plusieurs courses comment ça va faire. Ça signifie pas forcément pour Palmer d'ailleurs battre Hülkenberg, hein, faut rappeler Palmer, c'est sa deuxième saison seulement à F1. Deuxième saison, Hülkenberg, il en a pas mal derrière lui, hein, il est en F1 depuis 2010, je crois, hein, même s'il a eu une année sabbatique, je crois, mais ouais. C'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, c'est un très bon pilote. Donc, mais Palmer doit être dans le coup, tout simplement. Sinon, il sera remplacé. Petit à petit, Renault augmente ses exigences, ses ambitions d'année en année. Palmer le sait. Il y a une vision sur le long terme et lui doit progresser autant que l'écurie progresse. Donc, s'il ne progresse pas, eh bien, ce sera sa dernière année chez Renault. Vous pouvez en être sûr. Et pour Hülkenberg, de son côté, il doit montrer qu'il est un leader capable de faire monter avec lui un constructeur vers la gagne au bout d'un moment, au bout de quelques années. Voilà, il doit se montrer en tant que leader, parce que pareil, s'il montre pas à son écurie qu'il a l'étoffe d'un leader, eh bien, l'écurie ira chercher un autre leader ailleurs, tout simplement. Et il le sait. Il le sait, Hülkenberg, c'est sa chance de sa vie, peut-être, que Renault met l'argent, met les moyens pour progresser et développer la monoplace. Donc, il faut être là. Chez l'écurie américaine Haas, on a l'arrivée de Magnussen aux côtés de Romain Grosjean. Donc là, Magnussen, il a l'opportunité de montrer ce qu'il vaut réellement. Là, il a un coéquipier de renom. Il a plus d'expérience qu'avant. Ses déclarations sont très ambitieuses à Magnussen, comme d'habitude. Mais voilà, là, il est face à Romain Grosjean, un pilote émérite. C'est un peu la même problématique pour Magnussen que pour Esteban Ocon. Si Magnussen tient la mesure du français, c'est-à-dire en étant en lui damant le pion, en le battant quelques fois, même en offrant un duel équilibré au sein de l'écurie Haas, eh bien ses performances seront regardées autrement, seront d'autant plus valorisées, comme pour Ocon. Donc voilà, Magnussen doit saisir vraiment la moindre opportunité qui se montre à lui. En plus, Haas a l'avantage d'être une écurie assez spéciale avec une manière de faire assez unique en F1. Donc ça peut être une écurie qui crée la surprise. D'ailleurs, c'est ce que je pensais avant même le Grand Prix de Melbourne. Et à Melbourne, pour l'instant, la première course le montre. Mais c'est que la première course, encore une fois, il faut voir sur le court terme, là, sur le moyen terme, les quelques Grands Prix qui viennent pour voir si Haas est vraiment une surprise cette saison. Mais en tout cas, Magnussen doit saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Pour l'instant, ce week-end, à Melbourne, ça a pas été, ça a été négatif, hein, pour lui, hein, faut être clair. Donc, à voir sur les week-ends qui vont suivre. Toro Rosso, c'est le même duo de pilotes, hein, Kvyat Sainz. D'ailleurs, c'est un peu surprenant. Ça a été un peu surprenant que Red Bull redonne sa chance à Kvyat. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas trop. Parce que vu comment ils avaient traité Kvyat durant toute la saison, et comment Kvyat était au fond du trou tout au long de la saison, en termes de rythme, même en termes de mental, c'était compliqué. Même s'il essayait de se redonner du moral par des déclarations positives à des moments, mais on voyait que c'était pas le Kvyat qu'on voyait un an avant, quoi. Mais voilà, Red Bull finalement est plutôt juste avec son pilote et lui dit bon ben dernière chance, on te laisse une saison où là il faut que tu montres ton talent. Donc voilà, Kvyat par contre là ça le rebooste très clairement, il n'a pas d'excuses là cette fois-ci, il doit être dans le rythme, il doit être dans le rythme. On voit qu'il est de retour et que ça lui donne envie, il a des ambitions, il doit battre Carlos Sainz. Là il n'y a pas d'autre alternative, il doit battre Carlos Sainz. De manière relativement nette, même si Sainz est très rapide, et ça va être très dur du coup pour Kvyat de rester chez Toro Rosso, parce que Sainz est très rapide, maintenant a de l'expérience, et du coup va falloir pour le battre de manière assez solide, ça va être compliqué. Va être compliqué. Sainz de son côté également, il doit battre Kvyat de manière assez nette, il va y avoir une lutte assez intense entre les deux, qui va être très intéressante à suivre d'ailleurs, qui pousse l'écurie vers le haut également, une écurie qui maintenant a un moteur Renault 2017 et non plus un Ferrari daté. L'année dernière, ils avaient un moteur Ferrari qui datait de 2015. Donc maintenant, ils peuvent s'exprimer, d'autant plus avec ce nouveau règlement. À voir maintenant leur niveau de développement, hein, c'est pareil, hein, Toro Rosso, ils ont l'habitude d'être, on va dire, assez forts en début de saison, et puis après, il n'y a pas de développement, ou très très peu, ou pas efficace du tout, et du coup, ils sont au fond du trou, dès la mi-saison, et jusqu'à la fin de saison, c'est encore pire. Donc là, on va voir cette saison. Mais dans ce cas, en début de saison, les deux pilotes, ils doivent faire vraiment, ils doivent être prêts dès le début, tout simplement. Ils doivent être prêts dès le début. En 2016, je rappelle que Sainz avait allègrement dominé Kvyat. Donc là, on attend un duel plutôt plus serré. Je dirais que Kvyat a un peu plus la pression, mais Sainz aussi. Sainz, c'est sa troisième saison chez Toro Rosso et certainement sa dernière. Certainement sa dernière, donc il doit séduire Red Bull, il doit séduire également les autres écuries, parce que c'est pas dit qu'il y ait une place chez Red Bull, hein, quand même, pour qu'il y ait une place au milieu de Ricciardo Verstappen. Ça semble compliqué, mais on sait jamais. Mais Sainz, voilà, il doit être au niveau. Donc voilà, c'est un peu la guillotine pour les deux, hein, qui peut les attendre. Donc voilà, un surplus d'adrénaline qu'il aurait offert qui nous offre vraiment leur meilleur niveau jusqu'à maintenant. L'avantage pour Kvyat, c'est les faiblesses de Sainz. Faiblesse de Sainz, c'est qu'en défense, il est comme Verstappen en pire, hein, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que il est un peu fou en défense et en plus c'est pas efficace, donc à voir. Et il peut se montrer inconstant, mais par contre il est très rapide, Sainz en pointe de vitesse pure. Kvyat peut l'être aussi, donc à voir, ça va être un gros duel, gros gros duel. À suivre également. Et enfin, je vais parler de Williams qui a, selon moi, un des duos les plus faibles du plateau. Et oui, je vais oser dire ça. Lance Stroll, débutant, 18 ans, même s'il s'est bien préparé. Reste un débutant qui a 18 ans et qui arrive peut-être au pire moment, quand il y a la F1 la plus physique de ces dernières années. Et Felipe Massa, qui a été ramené de sa retraite, qui est certes très très motivé, parce que là il se sent désiré par son écurie, il sent qu'il n'est pas juste là pour participer, que l'écurie compte sur lui et tout, pour plusieurs choses, pour ramener les résultats, pour faire partager son expérience à Lance Stroll. Donc voilà, mais le duo n'est pas très fort hein, parce que Massa c'est pas un pilote non plus, c'est pas un excellent pilote, ça reste un bon pilote hein, qui va faire le boulot mais qui n'est pas au niveau de certains autres au-dessus quoi. Et par rapport à l'année dernière où il était épaulé, où il y avait Valtteri Bottas à côté de lui, là ça en prend un coup, ça en prend un coup, et ça signifie des dixièmes de perdus, des points de perdus également au championnat. Ça, c'est net. Williams va perdre des points parce qu'il leur manque un pilote de pointe, tout simplement. Massa va pas revenir au niveau qu'il avait en 2008. Faut arrêter de croire ça, c'est mort. Il reste à un bon niveau, mais lorsqu'il y aura des qualifications assez serrées, il va manquer quelques dixièmes. Lorsqu'il y aura une course serrée et où il manquera peut-être quelques secondes suite à un arrêt au stand pour rester devant un autre pilote, eh bien, il faudra se dire s'il y avait eu un autre pilote de pointe à côté, voilà, Williams aurait eu plus de points. Et tout simplement, voilà, ça va être dur. Ça va être dur pour Williams d'être au niveau de leur monoplace, tout simplement. Je pense qu'ils seront Leur monoplace pourra être peut-être bien, mais au championnat des constructeurs, ils seront en dessous. Ils seront en dessous du niveau de leur monoplace, ça c'est clair. Ça c'est clair. Après, ça dépend. S'ils sont dans un no man's land comme il y a 2 ans, c'est-à-dire ben ceux de devant sont trop loin, ceux de derrière, et ben ils sont derrière. Là, ok, ben ça changera pas grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des points de perdu et des points de perdu, c'est de l'argent de perdu, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette revue. Ce passage en revue des effectifs et des forces en présence. Donc, ben, selon moi, les plus forts, hein, pour résumer, en termes de niveau, hein, comment dire, de line-up, de duo, c'est Mercedes, Ferrari, Red Bull, Force India, McLaren. Et voilà. Le reste, c'est à démontrer. C'est à démontrer, il y a du potentiel, mais c'est à démontrer. Mais voilà, selon moi, là où les écuries qui seront à leur niveau en termes de points, les autres, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Après, faut voir. Je ferai un podcast. Je ferai pas un podcast pour chaque Grand Prix, hein, comme l'année dernière, comme je l'ai déjà dit. Je vais attendre avant, soit juste avant le Grand Prix de Barcelone, soit entre Barcelone et Monaco, je ferai un podcast pour un peu analyser cette première partie de saison et voir ce qui s'est passé. Mais sinon, je ferai pas de podcast. Non, je ferai pas d'autres podcasts. Entre ou peut-être un high speed dating, c'est possible. Et vu que cette rubrique se laisse désirer, se fait désirer, définitivement. Mais voilà, ça va être intéressant de regarder les prochains Grands Prix sur plusieurs aspects, hein, les différentes luttes, de voir comment les monoplaces réagissent également sur des tracés différents pour voir les possibilités de dépassement. De voir comment évoluent Ferrari et Mercedes sur d'autres tracés pour voir si finalement il y a peut-être une écurie qui domine l'autre parce que Melbourne donne une petite idée, une vague idée de ce que va être la saison mais n'est pas représentatif à 100% de ce qui va arriver. Donc à voir, il y a plusieurs interrogations mais en tout cas, c'est intéressant de voir ces monoplaces qui sont bien plus rapides que l'année dernière, où les pilotes peuvent attaquer de bout en bout, ça fait un gros changement dans le pilotage, n'empêche. Et là, on voit vraiment les pilotes qui s'adaptent le mieux et qui sont meilleurs que d'autres également. Ceux qui font le moins d'erreurs également. Ouais, c'est intéressant à ce niveau-là, franchement. C'est très impressionnant de voir ces monoplaces débouler dans les virages. Même si la façon de filmer, selon moi, de la part de la F1 pourrait s'améliorer. J'aime pas cette idée de caméra dynamique. On voit pas la vitesse, on se rend moins compte de la vitesse que quand il y a une caméra fixe et du coup qui bouge mais qui reste au même endroit, pas qui se déplace en même temps de tourner. Du coup, on voit pas trop la vitesse des monoplaces. Ça, je trouve ça dommage à chaque fois, mais quand même, on voit une différence avec l'année dernière en course, en particulier avec ces pneus Pirelli qui sont je pense réussi à ce niveau-là. Ça fait plaisir aux pilotes, ça fait plaisir aux spectateurs, ça fait plaisir pour la lutte, et tant mieux. Pour cette dernière chronique, comme d'habitude, ça sera un sujet un peu plus libre hein, que je m'autorise, et aujourd'hui je vais vous parler un peu du trophée Andros. Pour rappel, hein, si vous ne connaissez pas ce trophée, c'est une course sur glace en fait, où il y a des grands noms du sport automobile français et également des célébrités qui sont régulièrement invitées pour tester les voitures sur glace, tout simplement. Donc voilà, il y a une série de courses pendant l'hiver. Et ça se termine par la dernière manche qui se déroule à Superbès. Il y a différentes catégories également, catégorie électrique, catégorie élite, élite pro, et aussi les motos également, hein, qui donnent un très bon spectacle. Et voilà, et j'ai dû oublier une catégorie. Non, j'ai pas oublié de catégorie, c'est bon. Il me semble pas. Enfin bref. Et du coup, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi d'assister à une course automobile vers chez moi. Donc, je ne pouvais ne pas y aller. C'était pas possible. En plus, il y a des anciens pilotes très connus qui y sont, des pilotes très connus. Je me suis dit non, il faut que j'y aille. Et donc, j'ai saisi cette opportunité. J'ai bravé le froid, le vent, la neige, la pluie pour assister à une super journée à Superbès, une superbe journée de course le 28 janvier dernier. Et oui, ça s'est déroulé sur une seule journée. La particularité également de cette finale, c'est que tout se déroule sur un jour. Donc on est rempli de courses tout au long de la journée, d'essais, de qualifs, de courses. Tout au long de la journée, on n'a que ça. Ça s'enchaîne bien. C'est très très très bien pensé pour le spectateur. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et en plus, je parle des spectateurs, mais ils étaient venus en nombre. Là, j'étais vraiment surpris. Parce que Superbès, c'est un peu au milieu de nulle part, même si les pistes de ski, la station de ski est très connue. Mais c'est un peu au milieu de nulle part, quand même. Et c'est du sport auto. Donc le sport auto en France, on sait que c'est un peu en dents de scie, hein, ces derniers temps. Même si là, avec le Grand Prix de France, je pense que ça redonnera de l'intérêt, évidemment. Et c'est pas mal pour le sport auto en général, en France. Mais sinon, ces dernières années, on diabolise pas mal le sport auto en France, du coup... Il y a un peu moins de personnes qui suivent ce genre de sport, etc. Mais là, vraiment, Superbès, généralement, on identifie Superbès au trophée Andros par chez nous assez facilement. Donc, c'est un événement qui a encore beaucoup d'attrait, qui est pas mal attendu par les gens du coin, les Clermontois, les Auvergnats et tout. Et ceux qui suivent le trophée Andros également tout au long de la saison. Donc j'étais vraiment agréablement surpris de voir que c'était bondé. C'était vraiment bondé, hein, vraiment, vraiment. Donc c'était cool. Alors là, toute la journée c'est génial parce qu'on a accès au paddock. On peut voir vraiment de très près le travail sur les voitures, le travail des mécaniciens. Hein. Vraiment, on peut limite leur parler et tout. On peut croiser les pilotes, échanger deux mots avec eux, une petite photo et tout. C'est génial, c'est génial. Il y a même des petites animations dans certains garages. Le garage Mazda par exemple. Je crois qu'ils avaient préparé une sorte de simulateur, enfin un jeu et tout. Il y a plein de choses. Donc voilà, c'est très bien pensé pour les spectateurs, ça. Par contre, ce qui fait bizarre, et je pense, ce qui m'a fait bizarre, c'est que vraiment on est tellement près en fait du travail qui est effectué sur les voitures, vu qu'on a accès à l'intérieur des garages, quoi, que ça fait un peu bête de foire, quoi. L'ensemble fait un peu bête de foire, on a l'impression, donc ça doit être un peu perturbant au début, je pense, pour les mécaniciens. Maintenant, ils en ont l'habitude, je pense qu'ils remarquent même plus les gens, tu sais, c'est la normalité, mais ça fait un peu bête de foire, c'est assez bizarre, quand même. C'est ce que je me disais, en tout cas, en traversant tout le paddock. Après, il y a pas mal de points de restauration et tout, c'est très bien fait, très bien pensé pour tout le monde. Donc voilà, une journée très bonne. Alors après, je vais pas faire des résumés des courses, hein. Je vais pas faire des résumés des courses. Pourquoi? Parce que c'est pas le but de ma chronique. Je veux parler de mon expérience spectateur et les résumés des courses. Les courses ont été diffusées sur la chaîne L'Équipe. Vous avez pu les voir. Vous pouvez évidemment revoir les courses, je pense, évidemment en replay ou autre, où vous avez pu les revoir ou regarder les résultats. Mais bon, ça n'a pas de sens de vous raconter un peu les résultats et de vous faire un résumé des courses parce que je ne l'ai pas fait pour le reste de la saison. Donc ce sera un peu incompréhensible. Et je vais juste vous parler de la course élite, de la course catégorie élite. Donc L'excellence, c'est l'élite pro, hein. C'est vraiment ce qu'on suit avec les Olivier Panis, Jean-Philippe Béraud, Jean-Baptiste Dubourg, etc. C'est là où il y a les gros, quoi. C'est la première catégorie, quoi. Ensuite, il y a la catégorie en lit, élite, qui est juste en dessous, mais qui offre du spectacle et qui notamment a offert la course avec le plus de spectacles, le plus d'accrochages, avec des retournements de situation dus à ces accrochages. Et il y avait un suspense pour le titre également, un petit suspense avec Nathanaël Berton, qui est le local. Qui est le local de l'étape, et oui, qui est de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, donc c'est un mec du coin. Donc évidemment, tout le monde était là pour tout le monde l'encourager. Donc il a gagné. Il a gagné le trophée Andros dans la catégorie élite. Et si vous ne connaissez pas Nathanaël Berton, si ça vous dit juste quelque chose, ben vous avez pu le suivre il y a quelques saisons en GP2 notamment, ou en Formule E durant quelques courses où il a fait également bonne impression. Maintenant, il va courir en endurance en LMP2 en catégorie enfin catégorie E en catégorie LMP2 en ELMS en European Le Mans Series dans le team Barthez quelque chose, je ne sais plus. Il a fait des tests de F1 également il y a quelques années, que ce soit avec Caterham ou HRT. Donc voilà, c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience quand même de la course auto maintenant et qui donc a su tirer son épingle du jeu en catégorie élite. Et du coup, cette course était assez fou, les rebondissements quoi, avec les deux premiers qui s'accrochent, il me semble et tout. Voilà, là c'est les sous-pépins mécaniques également. C'était vraiment intéressant et au bout du suspense donc la victoire de Nathanaël Berton. Alors j'ai parlé un peu de ce qui s'est passé, ce qui était aux alentours du circuit. Aux alentours du circuit, donc avec les points de restauration. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est. Voilà, c'est que là on est au trophée Andros, donc que serait le trophée Andros sans sa marque éponyme, donc Andros, et son stand. Son stand qui, ben je vous laisse deviner, propose à tous des. Le stand Andros. Il propose quoi? Il propose à tous des. Ah, je vous entends là derrière devant votre écran. Non, non, non, non. Il propose pas des compotes de fruits, ce stand Andros. Non, non, non. Perdu. On aurait pu croire, hein, moi je l'ai cherché désespérément du regard, hein, un peu naïf, et ben non. Tout, ça propose tout, sauf le produit pour lequel la marque est connue. Proposer des bonnets, des gants, des écharpes, des blousons, enfin tout un tas de produits dérivés, hein, tout un tas de vêtements et tout, mais pas de compote. Voilà. Non. Aucune trace de la compote. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez marrant et je souhaitais vous le faire partager. Pour parler du circuit maintenant, parler un peu du tracé quand même. Selon moi, il est très bien pensé, il est très bien pensé avec un peu tout, très bien pensé mais du point de vue spectateur parce que on peut tout voir. De là où il y a les spectateurs, il y a plusieurs endroits où on voit à peu près tout le circuit. Il y a que le fond du circuit là, un peu tout le passage qui est avant l'arche Yokohama qu'on voit pas trop, mais sinon tout le reste on le voit très très bien. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est bien pensé. Et ensuite, suivant le tracé, c'est pas mal. Il y a des virages rapides où on peut élargir, d'autres qui sont plus serrés. Il y a une longue courbe à gauche qu'il faut bien prendre, là, juste après l'arche Yokohama d'ailleurs, et qui conditionne le dernier virage, et donc qui conditionne également du coup la ligne droite de départ arrivée. Donc la courbe à gauche, la longue courbe à gauche là est très importante. Et on a vu des très beaux passages à cette courbe à gauche. C'est là. Là où on voit les monoplaces qui sont le plus à la dérive possible de tout le circuit. Donc c'est très bien, c'est très intéressant. Et mais surtout, ce qui se voyait très peu à la télé, parce que j'ai maté un peu l'ardif d'une ou deux courses à la télé, c'est le deuxième virage. C'est le deuxième virage, on voyait pas trop, mais ce deuxième virage, c'est. Et surtout parce que les commentateurs n'en parlaient pas, ni les speakers sur place, ça j'y reviendrai. Sur ce point, c'est la difficulté et la légère dangerosité de ce virage 2. Franchement, c'était le plus difficile parce que c'était assez serré, et c'était un virage très rapide et on pouvait assez facilement taper dans le mur à l'extérieur, voire passer dans le fossé. Ça s'est pas arrivé le fossé, mais taper le mur de neige ou de glace là, c'est arrivé parce que c'est le virage où il faut attaquer quoi, pour prendre de la vitesse et où il faut pas en perdre justement. Donc, pas trop partir du coup. En dérapage, donc c'était très compliqué pour les pilotes et c'est là où on a vu le plus d'incidents lors des essais, des qualifs. Et j'avais peur surtout pour les motos, parce que j'avais peur en conditions de course pour les motos, parce que quand je voyais comment les motos prenaient le virage en essai et en qualif, Ça me faisait peur parce qu'ils allaient vraiment au large. Je me disais, putain, il y en a un qui va finir dans le fossé, c'est pas possible. Parce que c'était vraiment la limite parfois, mais ils ont été vraiment très, très pro et pour pas faire d'erreur. J'ai pas vu vraiment d'erreur finalement des motos en course. Et même s'il y en avait des fois à deux de front, il y avait du respect, beaucoup de respect entre ces pilotes, entre ces danseurs sur glace, on va dire, ces équilibristes de la glace, et c'était très bien. Mais ouais, du côté des voitures, il y a eu de la casse à ce virage, ça je vous l'assure. Et ça, les commentateurs n'ont pas mentionné, hein, mais ce virage 2 était, il était beau à voir. Franchement, c'était beau de voir ce qui allait se passer. Je l'ai direct identifié parce que j'étais au plus près du virage 2 au début. Après, j'étais plus près du virage 1 pour les finales. Mais durant les essais et les qualifs, j'étais plus près du virage 2. Et ouais, de constater la technicité de ce virage, c'était très intéressant. Et du coup, il y a des pilotes vraiment de renom hein, qui s'y sont, qui ont cassé, hein, qui ont cassé des éléments hein, dans ce virage. Hein, ça, je vous l'assure. Alors maintenant, voilà, je vous fais pas tout le résumé comme j'ai dit. Juste la catégorie Elite Pro, comme je vous ai dit, qui est la catégorie principale du trophée Andros, ça a été remporté par Jean-Baptiste Dubourg cette catégorie. Donc le trophée Andros remporté par Dubourg. Dubourg qui est un pilote finalement de renom, puisque il partit, vous pouvez le suivre en championnat du monde de rallycross WRX, où il y a notamment Sébastien Loeb notamment également dans ce championnat. Championnat qui a été diffusé l'année dernière sur la chaîne L'Équipe et qui, je l'espère, sera également diffusé cette saison. Donc Dubourg, il sera avec son team en plus, hein. Il a un team, son team Dubourg. Donc voilà, à suivre ce pilote qui a donc remporté le trophée Andros. Bon. J'ai parlé des bonnes choses, hein, c'est-à-dire de tout ce qui a été l'aspect course, spectacle, à côté, les à côté de la course. Mais maintenant, je vais parler de quelque chose qui fâche, qui m'a beaucoup, qui était saoulant. C'est les speakers sur place. Alors, je suis peut-être un peu naïf, peut-être que c'est comme ça à toutes les courses, que les speakers sont un peu, on a pris un peu au pif les gens qui passaient par là, qui voyaient de la lumière. Mais là, c'était insupportable hein, sur place. Ils étaient insupportables. Il n'y avait pas de, on va dire, de plus-value, d'intérêt à les avoir. Ils mettaient pas vraiment le feu, sauf quand il s'agissait, je sais pas, de demander d'applaudir ou quoi, mais et leur analyse était pas du tout pertinente. Ils étaient lourds en plus. Et en plus, ils essayaient de copier les commentateurs télé. Des fois, je me disais, mais attends, c'est pas le commentateur télé là de la chaîne L'Équipe? Mais non, c'est juste qu'ils essayaient d'imiter. Donc ça, c'est encore pire, parce que déjà que les commentateurs télé de la chaîne L'Équipe de Trophée Andros sont pas très bons, hein, il faut le dire, hein, c'est faible, hein, c'est faible. Alors si t'imites d'imiter la faiblesse, déjà que t'es quand t'es une imitation, t'es moins bon déjà que l'original, mais en plus quand t'es moins bon que des nuls, hein, là c'est encore pire. Et en plus, oh là là, ils étaient lourds les speakers. Enfin, je vous laisse imaginer le calvaire hein, de les écouter. Ils étaient lourds. Alors deux exemples hein, très parlants qui selon moi résument bien le niveau. Il y a un pilote qui s'appelle Jack Wolf. Voilà, Wolf, vous savez, en anglais, ça veut dire loup. Et ben, à chaque fois que un des commentateurs, un des speakers a énoncé Jack Wolf, le speaker qui l'accompagnait, eh bien, imitait le bruit du loup. Donc, il faisait ouh. Enfin bref, je vous le fais pas en entier. Mais il faisait ça à chaque fois. Alors, une ou deux fois, c'était marrant les premières fois. Mais après, tout au long, jusqu'au bout de la soirée, à chaque fois. C'était, oh là là, c'était gênant, hein. C'était gênant, hein. Il se croyait drôle, mais non. Non. Et ensuite, le deuxième exemple qui, selon moi, fera dresser les cheveux de tous les féministes qui écoutent Analyse F1. Et autres, mais de tout le monde d'ailleurs, hein. Pas besoin d'être féministe, hein. Juste, voilà. Juste être bien éduqué. Suffit. Alors, c'était en catégorie élite, en petite finale, parce que, comme la grille de départ, enfin. C'est un circuit, enfin comme la grille de départ, ouais, elle est assez, comment dire, assez petite. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent en place des petites finales, ou bien c'est parce que c'était le dernier jour au trophée Andros, et du coup ils mettent en place ça. Donc en gros c'est pour classer les derniers, les quatre derniers des qualifs, ou les six derniers, je sais plus, non, les quatre derniers des qualifs en catégorie élite, ils ont fait une petite finale pour se classer, tout simplement. Donc et il y avait donc un pilote féminin, donc une femme, Bérénice de Moustier, qui part en pole. Donc qui part en pole. Et il y a eu des commentaires machistes sur Bérénice de Moustier. qui n'avait mais pas lieu d'être, mais vraiment pas, vraiment pas. Et en plus, elle a remporté la course. Bon, c'était que la petite finale, forcément, mais bon, elle a remporté la course après. Bonne main de maître, elle est restée devant, elle a jamais été inquiétée en plus, qu'il n'y avait pas lieu de commentaire. Mais dès le début, ça a commencé. Dès le début, en fait, de la course, au départ, de Moustier, elle fait un départ, bon, ben, elle garde la tête. Donc normalement, il n'y a rien à dire, mais bon, au départ, certes, sur les premiers mètres, ceux qui sont derrière, en particulier le deuxième, il a gagné peut-être 2 mètres, tu vois. Donc certes, de Moustier, elle a fait un moins bon départ, de fait, que les autres. Mais ils ont insisté sur ça, les speakers, mais de manière ouf, ils ont dit, ouais, mauvais départ et tout. J'ai dit, mais non, mais comment t'appelles ça un moins bon départ, un mauvais départ, elle reste en tête? Ça aurait été un mauvais départ, oui, si elle n'était pas restée en tête, ou si le deuxième pilote avait pu tenter une attaque, mais même pas, et même pas pu tenter une attaque, hein, le deuxième, hein. C'était juste gagner 2 mètres au départ, quoi, c'est tout. Donc voilà. Et quelques tours après, donc, la course continue, et quelques tours après, un des speakers, donc, commentateur, évoque ce soi-disant mauvais départ, encore une fois. Donc déjà, le révoquer alors que c'est pas un mauvais départ, c'est relou, ça montre qu'ils comprennent rien de la course, qu'ils sont à l'ouest totalement. Mais en plus, ils évoquent ce mauvais départ en voulant faire une blague et en disant qu'elle était sûrement à la pause maquillage, Bérénice de Moustier. Donc voilà, je vous laisse apprécier la qualité de cette remarque dans le commentaire. J'ai trouvé ça très très déplacé, évidemment très sexiste, hein, mais très très déplacé. Ça n'a pas lieu d'être de vouloir ramener à ça. Surtout que je suis sûr que les speakers connaissent pas Bérénice de Moustier plus que ça. Ça se trouve, elle est pas du genre à se maquiller du tout ou quoi. C'est un pilote qui est là comme les autres pour faire de son mieux. Il n'y a pas lieu de faire ce commentaire, hein. Franchement, bravo les gars, bravo les gars. Et en plus de ça, il y avait zéro expertise de pilotage ou autre. Ils ont très peu parlé du tracé, à part de ce qu'ils avaient devant les yeux derrière les derniers virages. Mais sinon, ils ont très peu parlé du tracé dans leurs commentaires. Bref, j'avais vraiment l'impression en fait que comme ils étaient déjà payés, qu'ils étaient installés dans leur cabine au chaud, contrairement aux spectateurs qui nous on était bien au froid et comme on restait immobile quoi parce qu'il y avait les courses qui s'enchaînaient, on était bien gelés. Eux ils étaient au chaud donc ils se permettaient au chaud payés tout ça. Donc forcément ils se disaient bon on peut se permettre, c'est bon, on s'en fout, on n'est que speaker, on est là pour faire mettre un bruit de fond, un peu d'ambiance, mais c'est tout. Mais non, non, pour moi, c'est pas ça le rôle d'un speaker. C'est quand même d'être efficace et quand même d'avoir de faire des commentaires de qualité, quoi. Ou au pire, tu t'énonces juste les faits, mais t'essayes pas de faire plus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très irrespectueux envers les pilotes, envers tout le monde. Et comme j'ai dit précédemment, ils reprennent la façon de commenter de certains de la chaîne équipe. Alors ça se matérialise par exemple quand ils disent que les speakers ils disent voilà en F1 il y a moins de spectacles, au Trophée Andros au moins il y a du spectacle, vous n'êtes pas déçus. Et puis après, comme les commentateurs de la chaîne équipe, ils vont vanter le Trophée Andros en disant qu'il y a des anciens pilotes de F1. Bah non, tu choisis, soit tu descends la F1 et tu dis pas il y a des pilotes de F1 donc venez, c'est cool. Bah non. Là, c'est un discours totalement contradictoire. Faut arrêter un peu avec ça. Tu peux pas dire oui et dire non à la fois. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et en plus, en vantant les mérites du trophée Andros en disant qu'il y a des pilotes de F1, ils citent à chaque fois. Ils citent pas Nice, c'est normal. C'est normal. Mais ils citent Franck Lagorce. Mais non. Non, je crois qu'il a fait 2 participations en F1. Comme ça, c'est resté dans l'oubli. Tu le cites pas comme pilote de F1 à arriver. En fait, en arriver là, c'est désespérant. Parce que, faut pas le citer, Franck Lagorce. Ça fait pas du mal au trophée Andros. Fait pas du bien au trophée Andros de citer Franck Lagorce comme ancien pilote de F1, venez, voilà. Non, non, tu cites pas Nice, mais tu cites pas Lagorce au même niveau. Non. Ça, je refuse d'entendre ça. Et pourtant, je l'ai entendu 10 000 fois durant toute la saison du trophée Andros et par les commentateurs de la chaîne équipe et par les speakers. Donc voilà, moi j'ai un message aux organisateurs du trophée Andros ou de l'événement de Supermes. Je suis disponible, tout simplement. Je suis disponible, j'ai une expérience en tant que commentateur, pas en sport certes, plutôt jeux vidéo, mais de compétition également. Le principe est le même concernant l'intensité dans la voix à mettre, le show à mettre, raconter une histoire, faire que le spectateur soit absorbé et puisse apprécier au mieux les qualités des pilotes. Je connais, je sais faire, je sais faire ça. En plus, je suis un local. Je suis de Clermont-Ferrand, donc voilà. Superbest, c'est pas très loin. Je suis un local de l'étape. Je pense connaître le sport auto. Et surtout la Formule 1, mais le sport auto en général, ça va. Je connais globalement. Je connais le sens de la course. Vous pouvez vous en rendre compte peut-être dans l'analyse F1. Donc voilà. Moi, je suis prêt, hein, si vous voulez remplacer ces speakers qui n'ont pas lieu d'être, hein, vraiment, qui font plus de mal que de bien à la discipline. Eh bien, voilà, je suis disponible. Et mettez avec moi un commentateur qui a une expertise technique, parce que moi, le pilotage sur glace, je connais pas vraiment, quoi, pas plus que ça, quoi. Donc, mettez avec moi un commentateur qui a une expertise technique sur le pilotage sur glace, et là, vous aurez un duo qui sera déjà bien mieux que le duo de cette année, vraiment, vraiment. Et qui, je pense, sera un duo un peu, voilà, de qualité, quoi. Pas parce que c'est du sport auto. Comme ça là qu'on doit avoir forcément qu'on doit se taper forcément des speakers nuls quoi. Non non non. C'était la mauvaise note. C'était vraiment la mauvaise note de cette journée. Et j'ai trouvé ça triste quoi. J'ai trouvé ça triste en 2017 d'entendre ça. Mais après je fais mon petit message. Il sera entendu ou pas. Peu importe. C'est à moitié ironique hein, mon message. Franchement, moi je veux bien le faire. Je veux bien le faire. Je suis prêt également à me former deux fois plus pour être deux fois plus prêt pour être meilleur en termes de commentateur et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, il y a le temps hein, d'ici l'année dernière. Hein. Vous avez le temps d'y réfléchir. Au Trophée Andros, réfléchissez-y. Mais je suis disponible. Vous pouvez me contacter hein, via les réseaux sociaux @analysef1 hein, sur Twitter et la page Facebook également. De l'émission, n'hésitez pas. Voilà. Ah si, quand même, je veux finir sur une note positive, parce que j'ai cité seulement les commentateurs hein, de la chaîne L'Équipe, attention, mais il y a une personne dans la chaîne L'Équipe qui était très intéressante et très positive, c'est France Pierron, la journaliste France Pierron, qui était sur place à chaque fois, au plus près de la piste, au plus près des pilotes, pour recueillir les impressions, les interviews, et qui est... C'était mon coup de cœur, franchement, de cette saison, c'est mon coup de cœur, c'est France Pierron, je le dis. Elle se chargeait de couvrir l'événement... à chaque fois, et donc elle transmettait donc cette énergie positive, sa bonne humeur, également la pertinence des questions était là, elle savait bien rebondir parfois aux pilotes qui n'étaient pas forcément d'humeur à répondre, donc voilà, elle avait une énergie débordante vraiment, donc c'était très appréciable, et après de savoir qu'en plus, elle est pas forcément proche du sport auto à la base, vraiment pas, elle est proche du foot à la base. Donc moi ça m'a surpris, parce que franchement elle était tellement à l'aise pour interviewer les pilotes, et elle était dedans quoi, elle était vraiment dedans. Moi je croyais que c'était vraiment quelqu'un qui connaissait le sport auto vraiment vraiment bien quoi, mais elle a très bien travaillé, ça c'est clair, pour se préparer pour cette saison de Trophée Andros et pour sa performance quoi, parce que vraiment très très bonne surprise et ça faisait plaisir du coup de suivre les manches de Trophée Andros à la télé pour la retrouver en bord de piste comme ça. C'était très positif. Franchement, ça mettait le sourire aux lèvres et c'était très intéressant. Donc ça, c'est une journaliste à suivre également parce qu'elle fait de tout vraiment. Elle est intervenue également, je crois que c'était pour l'enduro du Touquet, je crois, l'enduro du Touquet. Je crois qu'elle était là également au bord des terrains de rugby, de foot. Elle est vraiment multitâche. Elle sait très bien s'adapter. Et vraiment, c'est vraiment cool. Bon, voilà, je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. Profitez à fond de cette saison de F1, s'il vous plaît, à fond, parce que c'est une saison qui est déjà historique, qui est déjà historique dans l'histoire du sport. Donc voilà, je vous invite vraiment à la suivre à fond, et on se retrouve dans quelques courses, sûrement juste avant Barcelone ou entre Barcelone et Monaco, je préfère être réaliste, ça sera sûrement dans ces eaux-là. Si c'est avant, ça sera pour le High Speed Dating, mais j'en doute, donc je veux pas vous faire de promesses non plus. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres choses qui interviennent dans ma vie et qui me rendent moins énergique pour l'émission, mais là aujourd'hui ça allait, je suis très content, vraiment c'est un très grand plaisir hein, de reparler de F1 ici. J'aurais pu écourter certaines choses certainement, mais bon, Si j'avais fait le podcast en fait plus tôt, comme je le voulais il y a quelques semaines, la partie actualité aurait été plus courte. Eh oui. Et du coup, le podcast n'aurait pas duré autant. Mais bon, c'est comme ça. Et puis pour le prochain podcast, il y aura sûrement des pauses musicales. Là, il n'y en a pas eu, j'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais pour le prochain, il y en aura sûrement, vu que Y Blues, donc le groupe là, ça s'écrit Y Blues, le groupe grenoblois, donc, où je vous ai déjà fait écouter des musiques, va sortir son deuxième album en mi-avril, donc très prochainement. Bon, j'espère que je pourrai vous diffuser leur musique, vous faire découvrir leur deuxième album, qui va certainement envoyer du pâté. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, et vraiment, vraiment, cette saison, hein, tous ensemble, vivons notre passion. À bientôt. Thank you.